étoiles, dans le ciel miteux, un tracassin de nuages, porté par le page des mille et une nuits. Vieille lune, passant défléchie, au jugement des dunes que la mer a fui. Un pierrot sans armes, au bord des larmes, cherche les rimes à la une. Pauvre lune, cosmoplume. Et le rythme rêche de liambe sans charme, la muse en panne sèche sous son bonne dame. Sacrée lune sur le bout des doigts, à ne pas confondre le ciel et son ombre. Le cadeau des rois, des grands de la terre, le tout nucléaire, les étoiles en guerre. Pauvre lune, au sourire amer, point dans le noir, chagrin du soir. Lune, lune, gloire posthume, poids sur le cœur. Petite sœur.